J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, j'ai même perdu la fille que j'aimais pour la vie. Me restent mes envies, j'ai les yeux qui pétillent, me reste ma folie, chagrin de pacotille. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux.